simplement que M. Joquet, notre président, et M. Eric Buis, vice-président chargé de la culture, n'ont pas pu se joindre à nous ce soir, mais ils pensent fort, fort à nous qu'on passe un bon moment. Voilà. Merci. Ah, merci pour cette introduction. Et puis surtout, merci à vous d'être là. On a choisi de profiter des tout derniers jours de l'été. Et on n'a pas peur parce qu'on a mis un petit peu les laines. Il se trouve que ces tout derniers jours de l'été ressemblent plutôt aux premiers jours de l'automne. Mais enfin, nous voilà prêts. Agnel Lézard. Alors, on est tout près de Ardres. Hein. Je situe ça pour les auditeurs qui nous écouteront parce que ça va être radiodiffusé, cette intervention-là. Et c'est une commune rurale dont on va profiter de l'air pur. On est très content d'être dehors. Adossé à la mairie, devant un parterre de verdure, tandis que derrière moi, le soleil se couche lentement. Alors autant dire que c'est une véritable carte postale à laquelle je vous convie. Mais au-delà de l'image, c'est le son là, qui va nous intéresser aujourd'hui. Et on va parler d'un disque absolument fabuleux et surtout d'une chanteuse absolument extraordinaire, Karen Dalton. Karen Dalton qui est, comme l'avait titré le journal The Guardian, en Angleterre, à l'occasion de la réédition de l'album qu'on va écouter aujourd'hui. Cette réédition était assez tardive, elle était faite en 2006. L'album, originellement, lui, était enregistré en 1969. Et ce titre du Guardian en disait long. Elle disait « la meilleure chanteuse dont vous n'avez jamais entendu parler ». Et pour cause, cette chanteuse, malgré tout le talent qu'elle avait, malgré tout le magnétisme qu'elle pouvait inspirer, et là je vais détailler bientôt un petit peu dans quelles conditions, pourquoi, comment et autour de quels artistes, la plupart largement plus célèbres qu'elle, comment elle enterrait tout le monde, mais comment quelque part elle s'est enterrée elle-même par peur, par phobie, par aussi des problèmes psychologiques plutôt intenses. C'est une vie tourmentée. Comme on pouvait la connaître dans ses fins des années 60 et début des années 70. Alors, cette sainte folk, parce que c'est, j'ai bien un titre de folk dont on va parler là, le fameux « It's so hard to tell you who love you the best », 1969, donc, est en fait un disque qui sort très tard. Et il sort trop tard. Il sort en 1969, alors que Karen Dalton, elle, a quitté son Oklahoma, où elle a grandi, elle l'a quitté en 1961 pour arriver en 1962 à New York. C'est là qu'il faut être, effectivement, à cette époque-là. C'est-à-dire qu'on est dans le germe de cette folk music, de ce qu'on n'appelle pas encore la protest song, mais qui va devenir très, très important, et pour laquelle, finalement, vont converger à Greenwich Village, ce fameux quartier branché de New York à cette époque-là, tout ce que New York et globalement les États-Unis vont compter d'essentiel comme chanteur folk. Ai-je besoin de préciser que de cette mouvance-là, celui qui va se faire le plus remarquer et celui dont qui reste aujourd'hui une personnalité quasiment indétrônable, c'est Bob Dylan. Mais il y en a bien d'autres. Bob Dylan, en 62, il débute. Et c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, déjà engagé, c'est quelqu'un qui écoute autour de lui. Et c'est amusant de constater que cette scène de Greenwich Village, c'est certes Bob Dylan, l'histoire retient son nom largement, mais c'est aussi d'autres gens comme Tim Hardin, qui est aussi un compositeur folk assez reconnu à l'époque. Et il y en a un qu'il ne faudrait pas que j'oublie, qui est Fred Neil. Fred Neil, qui est important dans la carrière de Karen Dalton, parce que ça va être son compagnon durant un temps. Bon, un temps assez court, aussi un des problèmes qui aura caractérisé la vie de Karen Dalton, c'est qu'elle était relativement dissolue et elle a toujours eu des problèmes avec les hommes. Mais il restera quand même son copain et c'est lui qui va forcer un peu le pas pour la faire enregistrer en 1969, ce fameux disque. Mais j'y vais pas encore tout de suite. Je laisse un petit peu de suspense pour raconter les conditions de l'enregistrement et peut-être d'abord savoir... Pourquoi donc elle enregistre trop tard. Donc il est évident qu'en 1969, enregistrer un disque de folk aussi ténu que celui qu'on va entendre. D'ailleurs, c'est juste une voix, sa propre guitare ou son propre banjo, et le tout à peine secondé par une basse électrique derrière. Donc c'est quelque chose d'extrêmement intimiste. En 69, on n'en est plus à ces choses-là. En 69, Jimi Hendrix secoue déjà la guitare. Hein. Et donc, il n'y a plus beaucoup de place pour ces toutes petites choses-là. On commence finalement à faire du rock déjà beaucoup plus spectaculaire, finalement. Woodstock est passé par là. Bref, les temps changent. Mais Karen Dalton, elle s'en fout complètement. D'abord, elle refuse d'enregistrer pour une première raison, qui est purement pathologique. Elle est claustrophobe. Impossible de la faire tenir dans un studio. Alors, autant elle est extrêmement à l'aise sur les scènes des Greenwich Village. Elle y chante, mais à satiété, quasiment tous les jours. Et puis, quand elle quittera Greenwich Village, elle ira au Colorado, se réfugier en communauté dans les basses montagnes du Colorado. Et là, elle jouera très, très régulièrement à Boulder, qui est une scène et une communauté qui était assez vitalisée par les hippies de l'époque. Elle laissera d'ailleurs des enregistrements live qui ont été ressortis par la suite et qui sont tout à fait bouleversants. Mais donc, ce fameux album qui arrive, un, trop tard parce qu'elle est claustrophobe. Deux, bah là, on va mettre un peu l'accent sur effectivement l'aura un tout petit peu scandaleuse de Karen Dalton. Sort ce mois-ci, il y a des beaux hasards de calendrier, un numéro de Rock et Folk dont la couverture est posée là et que vous pourrez consulter, qui à l'occasion de la réédition de l'album dont je vous parle, donc la deuxième réédition, puisque la toute première, ma foi, était déjà oubliée et surtout épuisée. Là, il y a un très beau coffret qui sort et du coup, ils mettent en avant le côté un petit peu miséreux de Karen Dalton, parce qu'effectivement, elle a des problèmes psychologiques intenses. Quand elle arrive à New York en 1962, elle est dépossédée de la garde de son enfant, de son premier enfant. Elle en aura un deuxième dont elle sera dépossédée aussi. Donc une fille en premier, ensuite un garçon. Elle se bat avec son couple. Bon, rien ne se tient, tout se déchire. Et effectivement, ajouter à ça une propension plutôt exagérée à la consommation d'alcool, à la consommation de stupéfiants. Bon, j'ai envie de dire que c'était presque ordinaire à l'époque, mais ça a passablement, probablement, ruiné les... Non pas le talent de Karen Dalton, mais peut-être des aspirations à laquelle son entourage, finalement, voulait l'inciter. Mais Karen Dalton n'est pas faite pour le business, absolument pas. Le disque que vous allez entendre là... Il y a une autre raison, voilà, il ne faut pas que j'oublie celle-ci, elle est importante. Il y a une autre raison qui fait que Karen Dalton se distingue un peu moins commercialement des autres, c'est qu'elle ne chante que des reprises, absolument que des reprises. Or, la musique folk, la protest song, dans ces années-là, passe par des interprétations toutes personnelles et assez engagées. Je reviens à Dylan, c'est l'exemple parfait. Derrière Bob Dylan, John Baez aussi. Autre chanteuse qu'on peut évoquer, c'est Buffy St. Mary. Elle était d'origine indienne, donc elle portait la parole de natifs américains qui avaient besoin de s'exprimer, de se faire entendre à ce moment-là. Étonnamment, Karen Dalton, qui est elle-même de sang mêlé, elle est d'origine irlandaise mêlée à du sang indien Cherokee, elle ne souhaite pas s'engager, ne souhaite pas être un étendard politique, ne souhaite pas être une cause féministe, rien de tout ça. Elle veut chanter le blues, son propre blues, mais à travers des reprises d'auteurs assez connus. Alors parmi ceux-là, Fred Neil, je le recite parce qu'effectivement c'est le compagnon, mais ça va être aussi le mentor, des vrais bluesmen purs du Delta, Elmore James, Bill Big Bransby, Jerry Roll Morton, qui lui vient du jazz, et Billie Holiday, qui est évidemment une forme de marraine spirituelle, volontaire ou involontaire, pour Karen Dalton. Parce que vous allez entendre, sa voix rappelle beaucoup, beaucoup, celle de Billie Holiday. Une Billie Holiday hillbilly, disait-on, hein, c'est-à-dire une roughneck blanche, de ces voix comme ça, d'un blues blanc, finalement, qui n'était pas très loin d'être aussi déprimant que le blues noir. La voix de Karen Dalton, vous allez voir, donne des frissons. Et je crois que tout est là. Elle a un phrasé extrêmement lent, qui évolue hein, parfois comme des notes, des arpèges de piano, mais très, très ralenti. Le tout est complètement saisissant de simplicité. Hein. C'est jamais démonstratif. Et pourtant, c'est là que c'est impressionnant. Dans cette retenue, le tout subjugué par un vibrato complètement exceptionnel. Et le fait qu'elle s'accompagne elle-même, donc à la guitare ou en banjo, et là, elle ne choisit pas la simplicité non plus, elle s'accompagne par une guitare 12 cordes, qui n'est pas ce qu'il y a de plus commun dans le folk à ce moment-là. Et de même, elle a un banjo avec 23 frettes, c'est-à-dire 3 notes, 3 demi-tons supplémentaires qu'un banjo normal. Et ces demi-tons sont les demi-tons graves. Donc forcément, vous avez un manche largement plus étendu pour pouvoir atteindre ces notes-là. C'est en fait des instruments quasiment mutants et avec lesquels, effectivement, la scène folk... c'est très, très peu confronté. Alors d'où, effectivement, un impact à la fois visuel et émotionnel très, très fort avec Karen Dalton quand elle chante ou quand elle joue sur les scènes donc, de New York, tout comme les, scènes du Colorado que j'évoquais. On va écouter cet album en deux temps, à l'ancienne, à la face A et à la face B. Un temps un peu révolu aujourd'hui, mais revenons justement aux racines. Et les toutes premières versions qu'on va entendre, il y a cinq titres par face, c'est un disque assez court, hein, vous verrez, ces chansons de folk durent entre 2 et 3 minutes. Le premier morceau rend hommage à Fred Neil et pour cause, parce qu'il y a une anecdote assez savoureuse qui entoure l'enregistrement de ce disque. Je répète que Karen Dalton ne voulait pas y aller. Donc Fred Neil arrive quand même à la convaincre, lui dit « Mais écoute, viens, on va juste chanter une chanson ensemble. Moi, j'enregistre ce disque avec Capitol. » Capitol, c'est une maison de disques importante hein, et qui a déjà signé pas mal de cette scène-là à ce moment-là. Donc à se laisser convaincre, elle y va. Et là, elle est un peu piégée. Il la laisse tout seul avec juste ses bassistes qui va la seconder. Elle est en forme, on y va. Allez, hop. Et l'album est fait d'une prise. De façon quasiment miraculeuse. Donc merci à Fred Neil parce que c'est lui finalement qui a permis ça. Il y aura un deuxième album de Karen Dalton qui sera peut-être lui beaucoup moins sous la contrainte et dans d'autres conditions, j'en parlerai après. Mais donc pour l'instant, ces chansons avec notamment donc des reprises de Fred Neil, je citais Jerry Roll Morton, elle reprend aussi du blues traditionnel finalement et de manière peut-être plus surprenante hein, de la musique noire aussi de Stax Records qui est basé à Memphis et qui est un label essentiellement de musique noire avec Eddie Floyd et Booker T par exemple. Voilà pour les 5 premiers morceaux avant que je reprenne un petit peu la parole. Si j'insistais sur la provenance de ces morceaux, c'est vrai que ça définit Karen Dalton comme étant une auteure de reprise. Mais le miracle de Karen Dalton, et tout le monde est estomaqué par ça, de Bob Dylan à l'époque, à Nick Cave aujourd'hui, c'est que n'importe laquelle de ces reprises devient la sienne complètement. C'est époustouflant. Il y a des gens qui ont arrêté de chanter leurs propres chansons quand Karen Dalton les chantait. Ils se sont dit « Waouh !» Vous allez voir, je vais vous convaincre immédiatement par cette voix de blues incarné, un blues blanc, mais totalement déraciné finalement, et qui est très très très en lien avec la ruralité. Donc on pourra y revenir. C'est quelqu'un qui a pété les plombs pour les raisons que j'évoquais et qui va se reconstruire plus ou moins bien dans la ruralité et continuer à jouer comme ça, juste en communauté, pour elle-même, pour les amis, pour ses enfants ou ceux des autres quand ils étaient autour d'elle, dans un simple jardin, un petit peu comme on est là aujourd'hui. Voilà, bonne écoute et on se retrouve dans une dizaine de minutes après l'écoute de ces premiers morceaux. If I should leave you, try to remember all the good times, long days filled with sunshine, and just a little bit of rain. Mm-hmm.

land somewhere else. And pounds, I'm gone away. I may come back to see you, darling, some old rainy, rainy day. Fin de cette première face de l'album de Karen Dalton. Bah oui, c'est elle qu'il faut applaudir. Quelle chanteuse, quelle merveille. Je suis troublé à chaque fois. On va écouter la deuxième face, là, bien sûr. Toujours à ciel ouvert, à Niel-sur-Ard. Et bon, je vous le disais, Fred Neil, c'était un compagnon. C'était plus son compagnon au moment du disque. On va pas faire le carnet matrimonial de Karen Dalton, mais c'est une catastrophe absolue. Mais il reste quand même son copain. Et je vous le disais, c'est sous son impulsion que le disque va pouvoir se faire. Et il se trouve qu'en plus, il y a une conjoncture très intéressante qui fait qu'en 1969, à ce moment-là, Fred Neil est très connu... pour un morceau qui s'appelle Everybody's Talking, dont il a enregistré en fait plusieurs versions. La première doit être faite en 1966, mais il se trouve qu'en 1969, cette chanson, une nouvelle version de cette chanson, sert de bande originale au film Macadam Cowboy, Midnight Cowboy en américain, Macadam Cowboy en traduit en français. C'est un film absolument fabuleux, extrêmement déprimant, dans lequel s'illustrait John Voight et surtout Dustin Hoffman, jeunes acteurs à ce moment-là. Le film à proprement extraordinaire et finalement raconte une histoire qui n'est pas totalement en désaccord avec celle qu'a pu vivre Karen Dalton arrivant à New York, puisque ça raconte comme ça l'histoire de Plouc désœuvré qui monte à New York pour réussir quelque chose qui réussiront pas, et il y a cette traversée comme ça de la déprime, d'une forme d'enfer new-yorkais, mais en même temps c'est un film qui est plein de poésie, et ça ressemble finalement assez à Karen Dalton. Je le disais, Capitol, maison de disque quand même importante, du coup, dit OK, on y va sur Karen Dalton. Mais elle ne veut absolument pas suivre le jeu. C'est-à-dire que dans ces cas-là, quand vous sortez un disque, vous vous engagez à faire un petit peu la promotion du disque, à passer dans les radios, etc. C'est absolument pas son truc, elle n'en veut pas. Elle a de toute façon déjà complètement fui dans le Colorado, donc elle est insaisissable. Le disque, ma foi, malgré trois posters promotion et puis des photos de Karen Dalton, au demeurant très jolies, mais très jolie quand elle n'est pas défoncée, en fait, ne vont pas servir à vendre le disque là où, de toute façon, elle ne sera pas, elle voudra pas, elle refusera de faire les scènes qu'on lui demande, alors qu'elle est faite pour la scène, mais elle ira faire des scènes qu'on ne lui demande pas dans d'autres coins. Donc, il y a comme ça quelque chose d'à la fois beau et désinvolte qui peuvent expliquer aussi hein, ce manque de succès. Si je reparle de Fred Neil, c'est que c'est lui aussi qui inaugure par la reprise du premier morceau de la première phase, Blues on the Ceiling. C'est un morceau de Fred Neil. Et voilà, encore 5 morceaux en fait qui vont constituer cette deuxième phase. Il y en a 2 que j'aime particulièrement. Il y en a un qui est un morceau assez connu de Tim Hardin. C'est une figure importante hein, aussi de la protest song, de la folk song de Greenwich Village à ce moment-là. How did the feeling feel to you? C'est l'antépénultième. Mais le plus beau est peut-être l'avant-dernier, Right, Wrong, Already, qui est en fait la reprise de quelqu'un peut-être encore plus méconnu et plus mythique que Karen Dalton, c'est Major Willie. Et Major Willie était une de ces rares figures noir, intellectuel, dans cette communauté des folk singers de Greenwich Village. Je le disais, et sans se méprendre, finalement, la protest song et la folk song, c'est un truc de blanc. Alors, c'est un truc de blanc, ça ne veut pas dire que les noirs en soient exclus, la preuve, celui-là. Mais finalement, la protestation noire, la rage même des Black Panthers et choses là, elle va passer par d'autres voies. Elle va passer par le jazz et particulièrement le free jazz qui est très très développé à ce moment-là. Ça s'exprime à qui veut mieux et avec des cris du cœur très forts et dont on a encore les souvenirs aujourd'hui. Mais c'est aussi le cas dans la soul. Donc le folk, non, c'est plutôt autre chose. C'est plutôt un truc qui va grandir sur les campus et les universités fréquentées par les Blancs. D'où finalement ce rôle intermédiaire assez intéressant de Major Willie, qui est hautement estimé par la scène de l'époque, mais qui est aussi totalement oublié. Alors lui, il est toujours vivant. Il vit en Hollande aujourd'hui, en faisant parfois quelques concerts, enfin dans des pubs, dans des cafés, avec une audience qui n'est pas plus grande que celle qui nous rejoint aujourd'hui, c'est-à-dire une vingtaine de personnes, quoi. Voilà. Bonne écoute de ces 5 morceaux-là, et puis on conclura juste ensuite, bien sûr. Blues on the Ceiling, tout de suite, et puis quelques autres pendant une douzaine de minutes maintenant. Over my head, running down the walls, across the floor and under my bed. Ooh, light across the street, blinking off and on. I'm so lonely, now you're gone. I'll never get out of these blues, never get out of these blues alive. They keep on coming at my weary head. Even cocaine couldn't ease the pain. I'd be better off dead. Ooh, lying, going out so I can sleep. Better the blues, the better they'll keep. I'll never get out of these blues alive, alive. I'll never get out of these blues. Thank you. running down the walls, across the floor, and under my bed. Light across the street is blinking off and on. I'm so lonely now you're gone. I never get out of these blues. Never get out of these blues alive. I love you, baby, ain't gonna lie. Without you, darling, I can't be satisfied. If things are going wrong for you, you know it hurts me too. Put your hand in mine. I've got something to tell you, darling. I want to change your mind. If things are going wrong for you, you know it hurts me too. You, baby, ain't gonna lie. Without you, darling, I can't be satisfied. If things are going wrong for you, though it hurts me too. Could have hoped it would be. Every night has been like one night to me. You've got me feeling the feeling you gave me before. That to you, those nights and any other night, tonight is just one more. Don't you care enough to love me when you can't even do the things I need you to do. Don't make me listen to words you think will please me,

Voilà, Karen Dalton et cette chair de poule absolue, hein, finalement. Pas seulement parce que le froid tombe en ce moment à Niels Ward, mais quelle émotion quand même dans cette voix. Ce premier album, je vous le disais, va pas rencontrer son public, même s'il va toucher les proches de Karen Dalton, mais finalement, ils sont peu nombreux à cette époque-là. Ils ont, j'ai envie de dire, déjà pris la fuite. En 1969, Bob Dylan est une star, évidemment, et pas mal d'autres aussi. Il y aura quand même un deuxième album qui va faire suite, 2 ans après, à ce disque-là. Et puis un disque alors, construit autour d'un groupe, finalement, beaucoup plus électrique, un groupe complet. Cet album est d'ailleurs là, hein, vous pourrez le découvrir dans le réseau des bibliothèques de la Côte d'Opale, tout comme le premier album qu'on écoutait. Donc je vous incite à y jeter plus qu'une oreille. C'est aussi un excellent disque et qui fait finalement un pendant très intéressant à cet aspect très intimiste et déchiré du premier album. Croyez-moi, le deuxième est tout aussi déchirant, mais finalement d'apparence mieux construite, peut-être moins blues et plus rock d'une certaine manière. Karen Dalton va être oubliée de tous assez vite et elle va mourir totalement oubliée de tous, plus encore en 1993. Elle a 55 ans. Elle meurt du sida, un sida contracté probablement à cause d'un shoot d'héroïne plusieurs années auparavant. Alors on a construit tout un mythe, hein, autour de la désolation de Karen Dalton sur quelqu'un qui serait morte en voie de clochardisation complète, absolument édentée, etc. En fait, c'est pas vrai, il ne faut pas non plus exagérer. Qu'elle ait vécu chichement toute sa vie et jusqu'à la fin de sa vie, oui, ça c'est vrai, mais pas non plus au point d'être une SDF totalement malade et abandonnée. En fait, elle avait trouvé un support auprès d'amis à elle et encore des musiciens. En l'occurrence, Peter Walker, alors c'était un guitariste aussi de la scène folk, mais une scène folk beaucoup plus, j'ai envie de dire, virtuose. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de chanter. Il s'agit vraiment de jouer là de la musique qui va aussi bien emprunter au folk pur et dur, au blues, mais aussi aux techniques de musique arabo-andalouse ou choses comme ça. Et Peter Walker, qui vit près de Woodstock, dans l'État de New York, va lui offrir le gîte, en fait, et un mobil-home dans la sortie d'une bourgade qui s'appelle West Earl. Donc c'est près de New York, près de Woodstock en fait, dans l'État de New York, alors très au nord de New York City en fait. Bon, elle y meurt là, mais Peter Walker est à ses côtés, son fils aussi qui la retrouve. Donc c'est pas non plus le drame qu'on a voulu dépeindre et qu'en fait on dépeint un petit peu encore maintenant. Voilà. Mais enfin, Karen Dalton, à travers ces deux disques sublimes, même si on n'en écoute un qu'aujourd'hui, c'est en même temps c'est le portrait probablement d'une carrière gâchée. Mais évidemment, et c'est souvent comme ça, hein, de manière posthume, on l'a redécouverte. Mon expérience personnelle avec ça, c'est un disquaire, hein, chez qui je viens, et puis qui tient, quoi de neuf aujourd'hui ? À un moment, vous ne savez pas ce que vous voulez écouter. Je dis, bah, tiens, j'ai ça, c'est plutôt folk. Oh, folk, si tu vas aimer. Et puis, paf, en 4 mesures par terre, en disant bon, bah oui, superbe. Et puis aussitôt, cette fameuse chronique du Guardian qui dit cette merveilleuse chanteuse dont vous n'avez jamais entendu parler. Donc il y a eu un mythe comme ça qui s'est relancé et qui se relance. Hein, donc je réfère à la toute nouvelle, là, on est en plein, à l'actualité de cet été 2020, d'un coffret quasi définitif là, des œuvres de Karen Dalton, ces deux albums officiels, mais aussi des enregistrements absolument déchirants, très fragiles hein, d'ailleurs, enregistrés de manière parfois presque low-tech, à la scène du Club Attic à Boulder, dans le Colorado, où donc elle avait trouvé un petit peu refuge. Ben voilà, j'ai plus qu'à vous inciter à vous plonger dans Karen Dalton, vous remercier d'avoir été là, c'était un chouette moment à partager avec vous, et voilà, encore merci de votre écoute.